82e leçon. Un voyage à Beaune. Je veux partir ce week-end, dit un jour Madame Froment à son mari. N'importe où, mais je veux partir. J'en ai marre de Paris. Tiens, on peut aller à Beaune. Comme ça, les enfants verront les hospices et nous pourrons acheter du vin pour notre cave. Qu'en penses-tu ? Superbe. Je veux partir maintenant, tout de suite. Ne sois pas bête. Tu sais bien qu'entre 8h et 9h, c'est l'heure de pointe, et toutes les routes sont bloquées. Attendons un peu, et on partira vers 11h. Comme ça, on évitera les embouteillages. Où est-ce qu'on va dormir ? Tes amis sont toujours là-bas ? Non, mais on choisira un hôtel dans le guide Michelin. N'importe lequel, ils sont tous bons. Et si on ne trouve rien à Beaune même, on ira ailleurs. Allez ! Appelle les enfants et préparons nos affaires. Exercice. Ne sois pas si pressé. Tu sais bien que c'est l'heure de pointe. On pourra éviter les embouteillages si on part maintenant. Je veux lire un journal, n'importe lequel. Si on ne trouve rien, on ira ailleurs.